quand le soir on rencontre celle ayant figuré la Vierge ou les Saintes Femmes, encore affublée du manteau, des pieuses tuniques, mais un peu ivre, tombée à un carnaval mystique, sous les réverbères dont les plaies saignent dans l'ombre.